soyez des êtres de service. Dieu, il vous dit, ta soumission à ma volonté, c'est de servir tous les hommes dans leurs besoins. Soyez ces gens-là. Au lieu de faire des grands discours sur accepter l'islam, on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam.